voisin avait une canne qui chantait au plein bain, qui chantait au plein bain. Il l'emmenait aux noces pour pousser son refrain, car il est en train, mon petit moulin, car il est en train de moudre. Il l'emmenait aux noces pour pousser son refrain, pour pousser son refrain. Elle montait sur la table et mangeait tout le pain, car il est en train, mon petit moulin, car il est en train de moudre. Elle montait sur la table et mangeait tout le pain, et mangeait tout le pain. Il y avait même des soirs, trempait son bec dans le vin, car il est en train, mon petit moulin, car il est en train de moudre. Il y avait même des soirs, trempait son bec dans le vin, trempait son bec dans le vin. Voisin dans sa colère lui tapait sur les reins, car il est en train, mon petit moulin, car il est en train de moudre. Le voisin dans sa colère lui tapait sur les reins, lui tapait sur les reins. Il lui disait, ma belle, tu seras privée de grain, car il est en train, mon petit moulin, car il est en train de moudre. Il lui disait, ma belle, tu seras privée de grain, tu seras privée de grain. À la noce suivante, il lui disait, tu viens, car il est en train, mon petit moulin, car il est en train de moudre.